Deuxièmement, fallait président de la République. Deuxième chose, Madame Sonia, Jean-Pierre Bemba, Premier ministre. Fallait vraiment le nom, Jean-Pierre Bemba de l'Équateur. Troisième chose, Mouzito, président de l'Assemblée nationale. Devant le nom. Quatrième chose, Matumbo, gouverneur de la Banque centrale. Devant le nom. Voilà la part de l'Équateur.